الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، chers et sœurs, nous continuons aujourd'hui la lecture et l'explication du livre intitulé Kashfu Shubuhat, Dissipation des ambiguïtés, c'est-à-dire autour du Tawhid, qui est l'œuvre de l'imam, le grand savant, le shaykh, Muhammad ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Nous avons lu hier les premières lignes de cette épître dans lesquelles l'auteur rahimahullah ta'ala nous a exposé la réalité du tawhid qui est l'appel et la religion de tous les messagers alayhim salatu wa salam. Et nous nous sommes arrêtés à la parole de l'auteur rahimahullah ta'ala qui nous explique que les statues qui étaient adorées du temps de Nuh alayhi salam ont été cassés par notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala nous explique la situation des gens parmi lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Et il nous dit: arsalahu Allah ila unasin yata'abbadun wa yahujjun wa yatasaddaqun ويذكرون الله كثيرا ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله. Donc il nous dit rahimahullah que le prophète, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé vers des gens qui avaient certaines formes d'adoration, c'est-à-dire des adorations qu'ils vouaient à Allah. Ils faisaient le pèlerinage, ils donnaient l'aumône et ils faisaient fréquemment le rappel d'Allah. Donc pourquoi les qualifie-t-on de polythéistes? Le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit: mais ils plaçaient certaines créatures en tant qu'intermédiaires entre eux et Allah. C'est cela le shirk qu'ils ont commis. Ils plaçaient des intermédiaires entre eux et Allah. Yaqulun nuridu minhum at-taqarrub ila Allah. Ils disaient: nous voulons d'eux, nous attendons d'eux, de ces intermédiaires, qu'il nous rapproche davantage d'Allah. Et nous voulons leur intercession auprès de lui, auprès d'Allah. C'est-à-dire qu'ils vouaient le culte à autre qu'Allah, mais leur objectif, la finalité qu'ils recherchaient, était de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cette finalité ne fut point pour eux une excuse, car ils ont commis le plus grave des péchés en plaçant des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit: مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. Il dit: il prenait comme intermédiaire les anges, Isa et sa mère Mariam, Jésus et Marie, et d'autres gens parmi les vertueux. Ceci était donc le défaut et l'erreur gravissime qu'ont commis les polythéistes de Quraysh. Ils ont pris des intermédiaires entre eux et Allah. Donc toutes les adorations qu'ils faisaient, elles ne leur étaient d'aucun profit. À partir du moment où ils ont donné des associés à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, ceci est venu corrompre et annuler tout ce qu'ils faisaient comme adoration, car en commettant du polythéisme majeur, en prenant des intermédiaires entre eux et leur Seigneur, ils sont devenus par cela polythéistes mécréants. Le Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala nous dit dans son commentaire: ils faisaient de nombreuses œuvres de bien, mais celle-ci ne leur fut point profitable, car ils étaient mécréants. Et il fait partie des conditions pour se rapprocher d'Allah que celui qui cherche à se rapprocher d'Allah soit musulman, soit musulman, qu'il soit soumis à Allah, c'est-à-dire qu'il soit soumis à Allah en lui vouant un culte exclusif dans l'adoration. Et eux n'étaient pas musulmans. Ils n'étaient pas soumis. Ils faisaient du shirk. Donc ça, c'est une règle importante à retenir. On répète souvent que les deux conditions d'acceptation des œuvres sont la sincérité pour Allah, c'est-à-dire que l'œuvre soit vouée exclusivement à Allah, et également la conformité, c'est-à-dire la conformité à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a une troisième condition sans laquelle l'œuvre ne peut en aucun cas être acceptée. C'est que l'auteur de cette œuvre soit un musulman monothéiste. En effet, il est possible qu'un polythéiste accomplisse parfois certaines œuvres sincèrement pour Allah et en se conformant à ce qui est légiféré. N'est-ce pas qu'il y a des gens qui s'affilient à l'islam et qui commettent de nombreuses formes de polythéisme majeur, mais qui parfois prient pour Allah, jeûnent pour Allah, font des aumônes pour Allah, en accomplissant ses œuvres de manière légiférée. Mais ces œuvres-là, elles sont rejetées, pourquoi ? En raison de ce péché gravissime qu'ils ont commis, qui est le polythéisme majeur, al-shirku al-akbar, qui est de prendre des intermédiaires entre eux et Allah, qu'ils invoquent en dehors d'Allah, pour qui ils font des sacrifices, à qui ils vouent des vœux, et autres parmi les formes d'adoration qu'ils accomplissent auprès des tombes, des mausolées et autres. Donc le Cheikh, rahimahullah ta'ala, il attire notre attention ici sur ce point important. Que ceux vers qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, ils adoraient Allah, mais cette adoration ne leur a pas été profitable, car elle était mêlée au shirk akbar, au polythéisme majeur. Ensuite, il nous dit, rahimahullah, فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام. Allah subhanahu wa ta'ala a donc envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu revivifier pour eux la religion de leur père Ibrahim alayhi salam. En effet, le peuple de Quraysh, ils font partie des descendants de Ismaïl, qui est le fils de Ibrahim alayhi salam. Et ils ont été, durant une certaine période, sur cette religion pure, cette religion du culte sincère, al-Hanifiya, la religion d'Ibrahim alayhi salam, qui consiste à vouer un culte exclusif à Allah. Ils sont restés sur cette religion jusqu'à ce que ces enseignements disparaissent en raison d'un homme appelé Amr ibn Luhay, qui a répandu parmi eux le culte des statues, qui sont devenus des idoles et des divinités adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam afin de restaurer cette religion, la religion d'Ibrahim alayhi salam, qui consiste à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite, وَيُخْبِرُهُمْ أَنَّ هَذَا التَّقَرُّبُ وَالِاعْتِقَادِ مَحْضُ حَقِّ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Il leur a informé que cette manière, ces actes de rapprochement et cette croyance est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire ce qu'ils faisaient pour leur divinité, pour leurs statues et leurs idoles, comme acte de dévotion, comme invocation, comme sacrifice et autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu leur informer que ceci est le droit exclusif d'Allah. « La yasluhu minhu shay'un li ghayri Allah. » Rien de cela ne convient pour autre qu'Allah. « La malakin muqarrab wa la nabiyun mursal fadlan an ghayrihima. » Ceci ne convient ni à un ange rapproché, ni à un prophète envoyé, et encore moins à autre qu'eux. L'adoration est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si elle ne peut pas être vouée à un ange rapproché comme Jibril alayhi salam, ou un prophète envoyé comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors, autre que parmi les hommes, les vertueux ou autres, est encore moins en droit qu'on lui voue une quelconque forme d'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu les appeler à vouer un culte exclusif à Allah. Et le Cheikh va nous expliquer ensuite qu'il n'est pas venu pour leur faire savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est leur créateur, celui qui donne la vie et celui qui donne la mort. Il nous dit, وَإِلَّا فَهَهُلَهِ الْمُشْرِكُونَ مُقِرُّونَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ. Mais ces polythéistes reconnaissaient et attestaient qu'Allah est le seul créateur et qu'il n'a pas d'associé en cela. Nul ne s'associe à lui dans la création. Nul ne peut créer si ce n'est Allah, subhanahu wa ta'ala. وَأَنَّهُ لَا يَرْزُقُ إِلَّا هُوَ. Il reconnaissait également et attestait que nul n'accorde la subsistance en dehors de lui. Wa la yuhyi wa la yumit illallah. Et nul ne donne la vie et nul ne donne la mort si ce n'est Allah. Wa la yudabbiru al-amr illahu. Et nul n'administre rien dans cet univers en dehors de lui. Wa anna jami'a as-samawat as-sab' wa man fihinna wal aradin as-sab' wa man fihinna kulluhum 'abidu wa tahta tasarrufihi wa qahrihi. Et l'ensemble des sept cieux et tout ce qui s'y trouve, ainsi que les sept terres et tout ce qui s'y trouve, tous sont des serviteurs d'Allah. Ils sont sous son administration et son autorité et son pouvoir, subhanahu wa ta'ala. Les polythéistes reconnaissaient cela. Ils reconnaissaient donc l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la seigneurie. Ils ne se sont pas opposés à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Donc ils connaissaient Allah subhanahu wa ta'ala. Ils lui vouaient le culte en lui vouant certaines adorations. Ils reconnaissaient son unicité dans la seigneurie. Mais qu'est-ce qui a fait d'eux des polythéistes? Ce qui a fait d'eux des polythéistes est qu'ils ont pris des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. En prétendant que ces intermédiaires allaient les rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donc cela qui a fait d'eux des polythéistes mécréants. Le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, nous dit ici qu'on tire de cela deux profits. Ceci nous indique deux choses. La première est que le fait de reconnaître l'unicité dans la seigneurie, cette reconnaissance seule n'est pas suffisante pour entrer en islam. Ceci ne rend pas sacré le sang et les biens de la personne. Et cela ne la sauve pas du châtiment d'Allah, subhanahu wa ta'ala. N'est pas suffisant de reconnaître l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans la seigneurie. Mais il est indispensable également de vouer un culte exclusif à Allah, subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose, c'est que l'adoration d'Allah, si elle est mêlée à une forme quelconque de shirk, le shirk akbar, alors celui-ci vient la corrompre et l'annuler. L'adoration n'est donc bonne et valide et acceptée qu'avec la sincérité, c'est-à-dire que si elle est vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci sont donc deux bénéfices que l'on tire de ce passage concernant les adorations que les polythéistes vouaient à Allah et leur reconnaissance de l'unicité de la seigneurie. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, comme à son habitude, il nous mentionne les preuves de ce qu'il avance. Et ça, c'est une chose très importante. Il nous a exposé une chose ici, qui est que les polythéistes reconnaissaient l'unicité dans la seigneurie. Il va donc nous en amener la preuve, afin de nous convaincre et également de nous habituer à nous attacher aux textes du Coran et de la Sunnah, et non pas seulement aux paroles des hommes. Il dit « فَإِذَا أَرَدْتَ الدَّلِيلَ عَلَىٰ أَنَّهَا هُلَىٰ الْمُشْرِكِينَ الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا. Et si tu veux la preuve que ces polythéistes que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a combattu, attesté de cela, c'est-à-dire attesté de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la seigneurie. فقرأ قوله تعالى. Lis alors la parole d'Allah. قل من يرزقكم من السماء والأرض. Dis: qui vous attribue votre subsistance des cieux et de la terre? أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ. Et qui détient l'ouïe et la vue? وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. Et qui fait sortir le vivant du mort? Et qui fait sortir le mort du vivant? وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ. Et qui administre tout? فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. Alors ils diront Allah. Ils diront Allah. Ils reconnaissaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul créateur, le seul à donner la subsistance, le seul à administrer tout dans cet univers, le seul à donner la vie, à donner la mort, et ainsi de suite. Ils diront Allah. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Dis-leur alors, ne le craignez-vous donc pas? Cette reconnaissance de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la seigneurie exige de vous que vous fassiez preuve de piété et de crainte à l'égard d'Allah, en lui vouant un culte exclusif dans l'adoration. Ensuite, le shaykh, rahimahullah ta'ala, a mentionné un autre verset, il a dit, وَقَوْلَهُ تَعَالَى قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dit, à qui appartient la terre et ceux qui s'y trouvent, si vous savez. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ. Ils diront à Allah, قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Dit alors, ne vous souvenez-vous donc pas. قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Dit, qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du trône sublime? سَيَقُولُونَ لِلَّهِ. Ils diront à Allah. قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Dit alors, ne le craignez-vous donc pas? قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ. Dit, qui détient dans sa main la royauté absolue de toute chose, et qui protège et n'a pas besoin d'être protégé? Dites, si vous le savez. Ils diront Allah. Dit, comment donc se fait-il que vous soyez ensorcelés? C'est-à-dire au point de ne pas croire en Allah subhanahu wa ta'ala. À l'exemple d'une personne ensorcelée qui a perdu sa raison. Et le grand savant du tafsir, Al-Allam al-Imam al-Si'di rahimahullah ta'ala, dit dans l'explication de ce verset que sans aucun doute, le diable les a envoûtés, les a ensorcelés, de par ce qu'il a enjolivé pour eux, et a changé la réalité des choses. Il a ensorcelé leur raison, de la même manière que les sorciers ensorcellent les yeux des gens. Donc on voit à travers ces versets que les polythéistes de Quraysh reconnaissaient bel et bien l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la seigneurie. Et l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit « وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ » Et il y a d'autres versets en ce sens. De nombreux versets dans le Coran démontrent cela pour ceux qui méditent. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné cela, leur reconnaissance de son unicité dans la seigneurie, à titre d'argument pour leur rappeler que s'ils reconnaissent cela, alors il leur incombe de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et de reconnaître son unicité dans l'adoration. En effet, si Allah subhanahu wa ta'ala est le seul créateur, ceci implique nécessairement qu'il est le seul endroit d'être adoré. Comment on pourrait mettre au même niveau le créateur avec une de ses créatures? Une créature qui ne possède rien dans cet univers, mais qui est possédée par Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait partie de son royaume et qui est sous son autorité. Donc ceci nous démontre que bien qu'ils reconnaissaient l'unicité dans la seigneurie, leur reconnaissance était défaillante. Car si elle était complète, ils auraient œuvré en fonction de ce qu'elle implique. Et ils n'auraient pas donné d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « فَإِذَا تَحَقَّقْتَ » أنهم مقرون بهذا. Une fois que tu sais avec certitude qu'ils reconnaissaient cela, c'est-à-dire que les polythéistes de Quraysh reconnaissaient la seigneurie d'Allah. وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et que ceci ne les fit pas entrer dans le tawhid auquel les a appelés le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. Leur reconnaissance de la seigneurie ne les a pas fait entrer en islam. وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة. Et si tu sais que le tawhid qu'ils ont renié, c'est le tawhid dans l'adoration, le droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala à être adoré. C'est cela qu'ils ont renié. Et c'est pour cela qu'ils ne sont pas entrés en islam. الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. Ce tawhid qui est appelé par les polythéistes à notre époque, al-i'tiqad. Donc le shaykh, rahimahullah ta'ala, ici, il attire notre attention sur une chose importante, qui est que ce qui doit être pris en considération, c'est la réalité des choses et non pas leurs appellations. Aujourd'hui, il y a des gens, à l'époque du shaykh, rahimahullah ta'ala, et également à notre époque, qui font du shirk, mais qui vont donner au shirk d'autres appellations. À l'époque du shaykh, et cela est présent encore aujourd'hui, il y a des gens, lorsqu'ils vont parler de shirk, ils vont dire « al-i'tiqad », la croyance. C'est-à-dire qu'ils vont considérer que certaines personnes, mortes ou vivantes, sont dignes que l'on croit en elles, que l'on ait une croyance à leur égard. Ils vont dire « celui-ci est détenteur d'un savoir, celui-ci à certains pouvoirs qui lui ont été accordés, ou d'autres choses semblables. Et ce qui est visé par cela est qu'ils ont la conviction que ces personnes ont le pouvoir de leur être utile ou de leur nuire en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc même s'ils n'appellent pas cela comme du shirk, même s'ils ne disent pas clairement « celui-ci est un associé à Allah », cela ne change rien à la réalité de leur acte et de leur conviction, qui relève du polythéisme majeur. Wal'ayadu billah. Ensuite il dit, rahimahullah, « كَمَا كَانُوا يَدْعُونَ اللَّهَ لَيْلًا وَنَهَارًا » Et tu sais également que ils invoquaient Allah nuit et jour, ils adoraient Allah nuit et jour. Comme on l'a vu précédemment, ils vouaient certaines adorations à Allah. ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ يَدْعُوا الْمَلَائِكَ لِأَجْلِ صَلَاحِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنْ اللَّهِ. Puis parmi eux, il y en avait qui invoquaient les anges en raison de leur vertu et de leur proximité avec Allah. وَيَدْعُوا رَجُلًا صَالِحًا مِثْلُ اللَّاتِ وَنَبِيًّا مِثْلَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ. Ou alors ils invoquaient un homme vertueux comme Al-Lat, qui était une de leurs divinités, ou un prophète comme Isa alayhi salam. Donc ils adoraient Allah, mais en parallèle de cela, ils commettaient du polythéisme, en prenant des intermédiaires entre eux et Allah, prétendant que ces intermédiaires sont proches d'Allah et vont les aider à se rapprocher d'Allah. Donc leur religion, elle reposait sur deux choses. La première est qu'ils pensaient que ceci, le fait de prendre des intermédiaires, était une chose aimée d'Allah. Et la deuxième est qu'ils pensaient que cela les rapprochait davantage d'Allah. Ils ont donc tenté de se rapprocher d'Allah par ce qui les a éloignés de lui, wallahu al-musta'an. Le shaykh al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala, nous dit ici, telle était la religion des polythéistes. Et c'est cela que l'on retrouve dans de nombreux endroits du monde islamique aujourd'hui. Avec grand regret, ils adorent Allah, ils font le pèlerinage, ils jeûnent, ils prient, mais ils sont plongés dans le shirk al-akbar, dans le polythéisme majeur, en adorant les morts, en leur vouant des sacrifices et en implorant leur secours. Fin de citation de la parole du shaykh, hafidhahullah ta'ala. Donc vous voyez que ce dont on parle dans ce livre, et de manière générale dans les cours de tawhid, ce n'est pas simplement des récits anciens. Certaines personnes vont tromper les gens et leur dire que ce shirk est révolu, qu'il n'existe plus, qu'il n'y a plus de shirk dans la Ummah. Alors qu'en réalité, une grande partie des gens est plongée dans le même polythéisme que commettait ce vers qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Donc ceci nous montre, une fois de plus, l'importance pour nous d'apprendre le tawhid et l'importance pour nous d'apprendre qu'est-ce que le shirk, en quoi consiste le shirk, quelles sont ses formes, et ce afin de pouvoir nous en écarter, de prendre garde à ne pas tomber dans le polythéisme et de mettre en garde autre que nous afin qu'il s'éloigne de ce polythéisme. Et prenez garde à tous ces prédicateurs à l'égarement qui dédaignent et méprisent l'apprentissage et l'enseignement du tawhid, et qui pensent que lorsqu'ils parlent de comportement ou je ne sais quoi, ils parlent de tawhid, et qui vont dire dès que je parle de tawhid, oubliant l'essence même et la base même de ce qu'est le tawhid et qui est le fondement essentiel de notre religion. Ensuite le shaykh rahimahullah ta'ala nous dit: وعرفت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك. Et tu sais aussi que le messager d'Allah les a combattus en raison de ce polythéisme. C'est en raison de ce polythéisme qu'il commettait qu'il a combattu les polythéistes arabes de son époque. وَدَعَاهُمْ إِلَىٰ إِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ وَحْدَهِ. Et il les a appelés à vouer l'adoration exclusivement à Allah seul, sans associer. كَمَا قَالَ تَعَالَى وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Comme Allah a dit, selon le sens, « Et certes, les masajid sont à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. » Al-masajid, il a été dit que ce qui est visé par cela, ce sont les membres sur lesquels on se prosterne, les deux mains, les deux genoux, les extrémités des deux pieds, et le front et le nez. Ceci est ce qui est visé par al-masajid. Les membres sur lesquels tu te prosternes sont à Allah, n'invoque donc personne avec Allah, c'est-à-dire n'adore donc personne avec Allah, ne te prosterne donc pour nul autre qu'Allah. Il a aussi été dit que Al-Masajid, ce sont ces lieux qui ont été édifiés pour y accomplir la prière. Les lieux dans lesquels on se prosterne, Al-Masajid. Et ces deux explications sont justes. Car les mosquées, elles ont été édifiées pour qu'on voue exclusivement le culte à Allah. Elles ne sont pas édifiées pour qu'on en adore autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces membres qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné par sa grâce et sa miséricorde, il les a créés et il te les a accordés afin que tu puisses par ceci lui vouer un culte exclusif. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. N'invoquez donc personne avec Allah, qui qu'il soit, que ce soit un prophète, un vertueux, un ange, un djinn, un marabout, un sorcier ou autre, qui qu'il soit. Ce verset il nous démontre clairement qu'invoquer autre qu'Allah, comme l'invocation des morts, devant les tombes ou les mausolées, ou l'invocation des sorciers, des marabouts, des sidis, des walis et des saints, tous ceux qui invoquent autre qu'Allah, ils commettent du shirk akbar, du polythéisme majeur, qu'Allah ne pardonne pas à son auteur, si ce n'est s'il se repent de son vivant. Donc il est important de comprendre cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا » N'invoquez donc personne avec Allah. Comment quelqu'un peut-il lire ce verset, puis ensuite se rendre auprès de la tombe de son sidi ou de son wali ou de son saint ou je ne sais quoi, puis l'invoquer en dehors d'Allah. Comme ceux qui disent « Ya sidi fulan, ya sidi intal » et ainsi de suite. « فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا » N'invoque donc personne avec Allah. Et lui, il va invoquer autre qu'Allah. Et tombe ainsi dans le polythéisme majeur « وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ » Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « وَكَمَا قَالَ تَعَالَى » Et comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit « لَهُ دَعْوَةُ الْحَقَّ » Lui seul est digne d'être invoqué, c'est-à-dire Allah. Il est le seul en droit d'être invoqué, il est le seul à exaucer les invocations. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an, je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Et votre Seigneur a dit invoquez-moi, je vous répondrai. Il est le seul digne d'être invoqué. Wal ladina yad'una min duni la yastajibuna lahum bi shay. Et ceux qu'ils invoquent en dehors de lui ne leur répondent d'aucune façon. Ils ne peuvent en aucun cas leur répondre. Ils n'en ont pas les capacités. Seul Allah subhanahu wa ta'ala répond aux invocations. Donc ce verset, il nous démontre, comme le verset précédent, que seul Allah subhanahu wa ta'ala est en droit d'être invoqué. Et qu'il est le seul à répondre aux invocations de celui qu'il invoque. Et tout ce qui est invoqué en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, son invocation est vaine et fausse. Et l'auteur de cette invocation se rend coupable de ce grave péché qui est le polythéisme majeur, quel que soit l'être qu'il invoque, que ce soit un mort, une personne absente, ou une personne présente mais qui ne peut pas accomplir ce qu'il lui demande, comme le pardon de ses péchés, le fait de guérir d'une maladie ou autre chose semblable. Ils ne tirent aucun profit de leurs invocations. C'est pour cela que les savants ont dit que le polythéiste qui invoque autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est perdant ici-bas et dans l'au-delà. Il est le plus égaré des gens. Ici-bas, il est perdant car il invoque autre qu'Allah et autre qu'Allah ne peut répondre aux invocations de ceux qui les invoquent. Et dans l'au-delà, il sera perdant car le paradis lui sera interdit. Wal'iyadu billah. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « وَتَحَقَّقْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَاتَلَهُمْ لِيَكُونَ الدُّعَى كُلُّهُ لِلَّهِ » Et tu sais maintenant avec certitude que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a combattus pour que l'invocation soit vouée exclusivement à Allah. وَالذَّبْحُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Que le sacrifice soit voué exclusivement à Allah. وَالنَّذْرُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Et que le vœu soit voué exclusivement à Allah. وَالِسْتِغَاثَةُ كُلُّهَا بِاللَّهِ. Et que l'on implore le secours que d'Allah. وَجَمِيعُ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ كُلِّهَا لِلَّهِ. Et l'ensemble des formes d'invocation, tout entière, ne doivent être vouées qu'à Allah. L'adoration est un droit exclusif d'Allah. وَعَرَفْتَ أَنَّ إِقْرَارَهُمْ بِتَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ لَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الْإِسْلَامِ. Tu sais aussi que leur reconnaissance de l'unicité dans la Seigneurie ne les a pas fait entrer en Islam, وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك. Et tu sais aussi qu'ils se sont dirigés vers les anges, les prophètes, les vertueux, en voulant par cela leur intercession et se rapprocher davantage d'Allah. Ils n'ont pas dit que les anges ou les prophètes ou les vertueux, qu'ils adoraient en dehors d'Allah, avaient le pouvoir de créer ou de leur donner la subsistance, ou de donner la vie ou de donner la mort. Ils n'ont pas dit cela, mais ils n'ont pris les anges, les prophètes et les vertueux que comme intermédiaires entre eux et Allah. C'est cela l'erreur qu'ils ont commise. « وَهُوَ الَّذِي أَحَلَّ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ » Et c'est cela qui a rendu licite leur sang et leur bien. « عَرَفْتَ حِينَ إِذٍ التَّوْحِيدِ الَّذِي دَعَتْ إِلَيْهِ الرُّسُلِ وَأَبَى عَنِ الْإِقْرَارِ بِهِ الْمُشْرِكُونَ » Tu sais maintenant quel est le tawhid auquel ont appelé les messagers alayhim salatu wassalam et qu'ont refusé d'accepter les polythéistes. C'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et le shaykh rahimahullah ta'ala nous dit « وَهَذَا التَّوْحِيدُ وَمَعْنَا قَوْلِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ » Et ce tawhid est le sens de ta parole « لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ » Qu'est-ce qu'elle signifie cette parole ?« لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ » Cette parole signifie « Il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré en dehors d'Allah » Subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu dis la ilah, il n'y a pas de Dieu. Tu ne nies pas l'existence d'autres dieux. Tu ne nies pas qu'il y a d'autres êtres adorés en dehors d'Allah. Il y a de nombreuses divinités, des fausses divinités qui sont adorées en dehors d'Allah. Des statues, des arbres, des pierres, des prophètes et autres parmi les choses qui sont adorées par les polythéistes en dehors d'Allah. Donc tu ne nies pas l'existence de ces divinités, de ces êtres adorés. Mais tu nies leur droit à être adoré. La ilah, c'est-à-dire la ma'boud abihaq. Il n'y a pas d'être digne d'être adoré. Il n'y a pas de Dieu digne d'être adoré, en droit d'être adoré. Illallah. Sauf Allah. Allah est le seul en droit d'être adoré. Subhanahu wa ta'ala. Ceci est le sens de la ilaha illallah. Et son sens n'est pas également, il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah. Il n'y a pas de pourvoyeur en dehors d'Allah, non. Car, comme on le verra dans le cours de demain, inshallah ta'ala, les polythéistes reconnaissaient cela et avaient bel et bien compris le sens de cette parole, comme on le verra dans la suite des paroles de l'auteur, inshallah ta'ala. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم